Chapitre 26e. Bien qu'il fût jeune encore, M. de Lavrange connaissait la valeur du temps, et il savait jusqu'à quel point quelques jours d'attente peuvent porter nos désirs exaspérés. Malgré les instances d'Adolphe, il ne se hâta donc point de retourner chez Mme d'Alifard, seulement il lui écrivit tous les soirs. Le premier jour, il n'avait pas pu voir M. Houdaille, retenu au corps législatif. Le second, il l'avait vu, mais comme M. Houdaille était précisément sur le point d'entrer dans une combinaison ministérielle, il n'avait pas pu traiter l'affaire du mariage. Le troisième, il y avait eu erreur dans le rendez-vous. Le quatrième, ils avaient abordé la question, mais avant de donner une réponse précise, M. Houdaille voulait consulter sa femme. Enfin, le cinquième jour, il annonça sa visite pour le lundi suivant, en demandant à quelle heure Adolphe serait sorti. Madame d'Alifard était à bout de patience et montait un degré qui lui enlevait tout sang-froid. Elle avait si bien perdu la tête que quand le notaire fut entré, elle ne pensa pas à fermer la porte de son cabinet. Mais M. de Labranche répara cet oubli et il alla la pousser lui-même au nez du caissier. « Mes lettres vous ont tenu au courant de mes négociations, » dit-il. « Aujourd'hui, je viens vous en communiquer le résultat. » Naturellement, ce résultat est conforme à mes prévisions. « Ah !» s'écria Madame d'Alifard, qui n'eut pas la force de retenir cette exclamation. M. Houdaille a répondu qu'il considérait ce mariage comme un honneur pour lui. Il a la plus vive estime pour votre caractère, et bien qu'il ne connaisse point Adolphe personnellement, il fait si grand cas de votre situation commerciale, et surtout de la façon dont vous l'avez acquise, qu'il désire une union entre vos deux familles. » À ce mot, il s'arrêta pour regarder Madame d'Alifard. Elle rayonnait. Houdaille l'estimant, Houdaille considérant ce mariage comme un honneur pour lui, c'était plus qu'elle n'avait espéré dans ses jours d'orgueil. Elle allait donc traiter de puissance à puissance, sur le pied d'une égalité parfaite, avec celui qu'elle avait jusqu'alors admiré de loin. Voyant la tournure que prenaient les choses, continua le notaire, j'ai pensé à vous réunir les uns les autres, afin que les jeunes gens fissent connaissance. Car je ne suis pas de ceux qui croient que dans un mariage il n'y a à tenir compte que des intérêts et des convenances. Si, Mademoiselle Houdaille, est-ce que vous m'avez annoncé? Assurément. Et je suis convaincu qu'Adolphe trouvera Mademoiselle Houdaille très jolie, tandis que celle-ci trouvera votre fils charmant. Cela est certain. Mais encore faut-il qu'ils se connaissent. On ne marie pas les gens les yeux fermés, que diable! Je ne dis pas qu'il faille se faire la cour pendant des années, mais avant de s'engager l'un à l'autre pour la vie, il faut se voir, au moins une fois, n'est-ce pas votre avis? Sans doute. Eussiez-vous dû m'accuser d'être romanesque, j'aurais agi comme je l'ai fait parce que cela me garantit vis-à-vis d'Adolphe, qui ne pourra pas m'accuser de l'avoir marié sans son approbation. Dimanche prochain, la famille Houdaille viendra passer la journée chez mon beau-père. Si vous voulez nous honorer d'une visite que vous nous ferez par hasard, il en résultera une rencontre fortuite et l'affaire sera faite. Il y aura encore la question d'intérêt à discuter, il me semble. Cela va sans dire. Seulement, je ne m'en mêle pas, quoique notaire. Quand on a des clients qui se nomment d'un côté Madame d'Alifard et de l'autre M. Houdaille, on n'intervient pas entre eux. Ils sont assez forts pour faire leurs affaires eux-mêmes. Mon ministère ne sera utile que pour discuter et rédiger le contrat. Malheureusement, cela ne se fera pas aussi vite que j'aurais voulu. « Et pourquoi donc ?» interrompit Madame d'Alifard. « Dame, parce que vous avez certaines formalités à accomplir qui, malgré toute la diligence que j'y apporterai, demanderont toujours du temps. »« Quelles formalités ?»« Celles qui n'ont point été accomplies après la mort de M. d'Alifard, et qui doivent l'être maintenant. Mais rassurez-vous, nous hâterons les choses. Je ne veux pas que lorsque Adolphe aura vu Mademoiselle Houdaille, son bonheur soit retardé par mon fait. Nous abrégerons autant que possible et nous nous enfermerons strictement dans les délais. » Depuis quelques instants, le visage de Madame d'Alifard s'était assombri. « Expliquez-vous donc, » fit-elle avec impatience. « Vous voyez bien que je ne comprends rien à ce que vous me dites. Quelles sont ces formalités ? Un inventaire, une licitation, une liquidation ? Et à propos de quoi tout cela, je vous prie ? Mais pour établir la situation de votre fils et la vôtre. Cette situation est bien simple, ce que j'ai appartient à mon fils. Lui en faites-vous donation hic et nunc, ou bien par contrat de mariage. Non, n'est-ce pas? Ce serait de la folie. Alors pour établir la situation d'Adolphe, il faut, comme je vous l'ai dit, un inventaire d'abord, une licitation et une liquidation. C'est la marche obligée. Vous étiez marié sous le régime de la communauté. Réduite aux acquêts. Réduite aux acquêts, c'est entendu. La mort de M. Dalifard a amené la dissolution de cette communauté et investi Adolphe de ses droits d'héritier. Quels sont-ils? Adolphe a hérité de la moitié de ce que son père possédait, puisqu'en vertu de ma donation, l'autre moitié m'appartenait. C'est donc du quart de la communauté qu'il est propriétaire. Il n'y a pas besoin ni de formalité ni de longs calculs pour voir cela. Sans doute. Seulement, vous conviendrez que le quart, la moitié, ce sont des abstractions. Le quart de quoi? La moitié de quoi? De la communauté? Autre abstraction encore. De quoi se compose cette communauté? À quel chiffre s'élève-t-elle? C'est là ce que l'inventaire doit nous apprendre. Ma parole suffit. Vous savez mieux que personne qu'en affaires, les paroles ne signifient rien. D'ailleurs, cette formalité d'inventaire n'a rien qui puisse vous gêner. Que vous importe que votre fortune soit connue de tout le monde. Il n'y a que les gens gênés qui ont intérêt à cacher la vérité. Il est vrai qu'il y a aussi ceux qui ont fait une fausse déclaration au fisc. Ainsi que vous ayez, par exemple, en payant les droits de mutation, dissimulé une partie de l'avoir de la communauté, l'inventaire venant donner le chiffre juste, vous seriez prise en flagrant délit de fraude et obligée de payer triple droit. Mais cette supposition est absurde, et il est bien certain que ni la gêne ni la fraude ne peuvent se rencontrer chez vous. Donc cet inventaire ne vous touche en rien. Une fois encore, le notaire s'arrêta pour examiner Madame Dalifard. Ses yeux étaient inquiets, ses mains étaient agitées par des mouvements nerveux. Était-ce la pensée d'avouer le chiffre de sa fortune qui la troublait? Était-ce la fausseté d'une déclaration faite à l'enregistrement qui l'inquiétait? Le certain, c'est qu'elle était touchée. Il continua. Le plus désagréable, ce sera la licitation, qui donnera lieu à des frais considérables. Vous rachèterez vos propriétés. Cependant, je reconnais qu'il est fort ennuyeux de les mettre en vente. Mais d'un autre côté, il est difficile d'estimer la plus-value qu'elles ont pu acquérir depuis qu'elles sont entre vos mains. Cela fait, nous n'aurons plus que la liquidation qui, elle, ne sera plus qu'une simple formalité fixant ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre fils. De sorte que vos deux fortunes soient distinctes. Ceci à vous, cela à lui, sans rien de commun. Et c'est M. Houdaï qui exige toutes ces formalités. La question ne s'est pas du tout posée en ces termes. En causant, M. Houdaï m'a demandé quelle était votre situation. Je lui ai dit que vous n'aviez pas régularisé les affaires de la succession de M. Dalifard. Alors il m'a demandé si vous étiez disposé à le faire. Je lui ai répondu affirmativement. Vous avez pris un pareil engagement sans me consulter, sans savoir quelles étaient mes intentions. Mon Dieu, madame, c'était tout naturel. Vous trouvez cela naturel? S'écria-t-elle en se levant et en marchant par le cabinet. Vous trouvez naturel de me forcer à faire un inventaire, à vendre mes propriétés, à payer au trésor des droits exorbitants? Naturel? Cela est naturel? Ah non, mille fois non, cela est inacceptable, c'est un bol. Elle marchait à grands pas, les bras croisés sur sa maigre poitrine. Chère madame, dit le notaire après un moment de silence, permettez-moi de vous expliquer votre situation légale. Elle s'arrêta devant lui et le regarda en face. Ah, vous savez, vous m'ennuyez à la fin avec votre loi. Oh, madame, madame, ne vous emportez donc pas pour une chose si simple. Simple? Mais oui, simple, voyez donc. Adolphe ne se marie pas. Il n'y a pas d'inconvénient à rester dans l'état où vous êtes. Vous héritez seul de lui, il hérite seul de vous, c'est parfait. Mais il se marie, il a des enfants, et la situation change aussitôt. Vous vous remariez, ne dites donc pas de ces absurdités. L'absurde en affaire, c'est de ne pas tout prévoir. Mais je veux bien laisser cette supposition de côté et en prendre une autre. Vous perdez Adolphe, et vous vous trouvez en présence d'une belle fille avec qui vous êtes mal. Vos droits réciproques n'ont pas été régularisés à l'avance par les formalités dont je vous parle. Quelle source de procès alors? C'est la guerre acharnée, envenimée par vos sentiments d'hostilité personnelle. Au contraire, ces droits ont été légalement fixés. Malgré cette hostilité, c'est la paix. Allons, Je viendrai demain avec mon clerc, n'est-ce pas ? Et nous procéderons tout de suite à l'inventaire. Non. Vous ne voulez pas que je vienne demain ? Si, venez, mais n'amenez pas votre clerc. Avant de prendre une détermination, j'ai besoin de réfléchir. Demain, je vous ferai connaître cette détermination. Adieu, monsieur de Lavranche. À demain. » Et elle le poussa vers la porte, marchant sur lui et le forçant ainsi à reculer vivement. Arrivé dans le bureau du caissier, le notaire se retourna pour la prier de ne pas l'accompagner plus loin, mais cette attention était inutile. Madame d'Alifard l'avait abandonné sans même le conduire jusqu'à la fameuse raie, et déjà, elle était rentrée dans son cabinet. En voyant le notaire traverser seul les bureaux, la surprise des commis fut grande. Que s'était-il donc passé depuis la dernière visite ? Le mariage était-il manqué ? Lucius se chargea de répondre à ces questions et de satisfaire cette curiosité. Pendant l'entretien de Madame d'Alifard et du notaire, un mot, un seul, lancé plus haut que les autres, était venu jusqu'à lui. « On fait des conditions inacceptables à Madame, » dit-il à Maïdas avec une discrétion diplomatique. « Alors le mariage est manqué. Vous voulez en savoir trop ? Je vous dis cela seulement pour ne pas laisser votre curiosité s'exaspérer. Mais ne m'en demandez pas davantage. Il y aurait indélicatesse de ma part à bavarder sur un pareil sujet. Inacceptable, voilà ce que vous pouvez tenir pour certains en ce moment. Quant au reste, attendez. »